Bon, aujourd'hui nous sommes le samedi 14 juin et c'est une journée associative. Nous avons organisé sur la ville de Briançon la visite de l'ancien sanatorium Rhône-Azur. Et il est à peu près midi et nous allons chercher des adhérents à la gare, des personnes qui arrivent par le train. Et d'autres adhérents sont déjà arrivés à la chape pour le pique-nique. Donc là on vient de récupérer les gars pansés à la gare. Ce sont 5 personnes et on arrive à la chape. À l'intérieur de l'endroit. Donc c'est marrant parce que les gars pensés, j'aurais pu dire que les gars pensés parce qu'il n'y a que des filles en fait. Donc là on est passé la Tifa, bon là c'est vraiment en état dégradé. Mais c'était là où il y avait et une ce flot de d'eau là, c'est quoi? Ça c'est la Durance, madame. Ah d'accord. Ça s'appelle le karma, ça. J'ai pas entendu ce que tu as dit la Tifa. Elle a dit trop chaud. Il fait quoi? J'ai trop chaud. Voilà. Vous avez vu une gars pensée qui dit j'ai trop chaud quoi. Voilà, donc on arrive, on rejoint l'autre groupe, le groupe principal là. On est au table de verdure de la chape. Vous allez voir un peu l'arrivée triomphale. Bonjour. Bonjour, bonjour. Jour bon à tout le monde. Vos stars arrivent. Un peu plus d'enthousiasme, nous s'il vous plaît. Là. On cherche un tout petit voirien. On espérait des applaudissements. Ah oui, ça va, salut tonton. Ah, je vais pas tourner le dos, Marie. Salut Tati. Oh, Tati. Alors on l'écoute. Donc je vous donne un peu le timing de la journée. Ça peut être intéressant pour certains. Dans 10 minutes, on s'en va. Ah, donc là. Alors non seulement ils y voient pas, pardon. Donc on a jusqu'à. On a rendez-vous à 14h pour le début de la visite sur la route de Grenoble. Donc on reste ici jusqu'à 13h30. Il y a des WC sur le parcours pour ceux qui vous. Nathalie va faire une photo du groupe, on s'est un peu éloigné. T'es par où là? Elle est en train de faire la photo déjà. Ok. Essaye de bien les cadrer. On dirait la photo de Jean-Marie Bigard. Moi, je savais pas que vous connaissiez tous les deux. Entendu, mais depuis qu'on est petit. Bon, Gigi a été petit. Il a déjà été petit. Il était petit. Si tu avais vu ça comme il était. Un beau bébé déjà. Un beau bébé, là, ouais. Vous avez oublié de prendre votre piste de beau, c'est quand même passé. Bon, là, on est reparti en voiture parce que le pique-nique est fini. C'était bon le pique-nique, les filles? Moi, le mien, il était dégueulasse. Oh mince! J'ai pas eu le temps de faire à maison. Je suis arrêtée dans une boulangerie. J'étais entre le vétérinaire et la boulangerie pour mon chat. J'ai pris ce qui venait. T'es sûr que t'étais pas trompée? T'as pas pris le repas du chat? C'est peut-être ça. C'est peut-être... Ah, il va croire qu'on peut monter dans le bus. J'ai fait un signe. Mais c'était juste pour lui en le remercier. Non, j'ai pas monté. On monte pas, c'était juste pour vous remercier. Merci bien, monsieur. Une prochaine fois. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'ombre? Pourquoi tu me cherchais, Nathalie? Oui, c'est Michel, tu me cherchais? Oui, c'est la personne du dossier. C'est les brillants sonnés. Bonjour, Michel. Salut, salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Michel. Ça va? Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour. On va faire un bonjour collégial. Alors donc, bonjour, rebonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, mais je le répète, je m'appelle Michel, prénom connu dans l'association. Alors prénom non seulement connu non, dans on l'association. On connaît Grand Michel, c'est tout. Hein. Voilà. Alors Grand Michel, c'est un peu moi, mais pas que. Et donc j'ai le plaisir d'avoir travaillé avec Michel Drouet pendant des années au Sambreux. Il travaillait mal. On s'occupait notamment de météorologie. Travaillait mal, c'est vous qui le dites. Voilà, hein. C'est vous qui le dites. Hein. Il travaille très bien. Voilà. Je le connais bien. Il m'a appris beaucoup de choses. J'ai essayé de tuer. Jusqu'au moment où Michel est venu en visite guidée. Avec madame, rappelez-moi votre prénom. Nathalie. Avec Nathalie, voilà. Votre fête, c'est le 27 juillet. C'est cela même. Vous oubliez, hein, voilà. Je suis avec Nathalie en visite guidée l'été passé, au climatisme, bien entendu, et à l'histoire du sanatorium, et en particulier du sanatorium Renazur, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez explicite, éloquent, et que vous allez sentir un certain nombre de choses. Parce que quand on se promène dans ce bâtiment, il vous apparaît quand même, vous apparaît des éléments. Voilà. À vous, après, chacun, en fonction de son interprétation, de voir un peu ce que ça donne. Et puis moi, je vais tâcher de vous les faire revivre un peu en vous parlant et en vous racontant un certain nombre de choses et puis évidemment en répondant à vos questions. Voilà. D'accord ? Tout ça. Mais juste avant de commencer, il faut que je vous raconte le pourquoi du climatisme à Briançon. En général, et en particulier de cet établissement, parce que j'ai prévu aujourd'hui une visite un peu particulière. Alors, donc, nous voici au 19e siècle, et vous devez le savoir, des maladies sont importantes à l'époque où la médecine n'est pas très développée, et notamment la tuberculose. La tuberculose fait beaucoup de dégâts chez tout le monde. Mais comme toute maladie, vous imaginez bien qu'il y a encore plus de personnes affectées quand le milieu de vie est misérable. Quand on a un milieu de vie misérable, les conditions d'hygiène ne sont pas bien remplies. Et évidemment, cette précarité, très bien madame, comme vous le dites, va être le vecteur de maladies qui vont être démultipliées. Voilà. Donc la tuberculose fait rage. Vous savez qu'elle affecte évidemment les poumons, mais pas que. Elle affecte aussi les os. Et voilà, elle affecte aussi les os. Et donc, il faut soigner ces deux types de tuberculose, la pulmonaire et l'osseuse. Et pour cela, je simplifie beaucoup, hein, on a trouvé qu'à Briançon, les militaires envoyés par Vauban à partir de 1693-95, les militaires allaient déjà mieux à Briançon parce que l'air est sec, surtout pour ceux qui venaient des régions littorales, ou de régions de plaine, ou de régions très continentales, où le climat est beaucoup plus humide, un. Et deux, on a carrément ouvert à Briançon un centre en 1907, c'est l'ancienne école d'infirmières au château, sous la statue, hein, sous le château de Briançon, et on s'est rendu compte qu'en exposant les patients dans des galeries de cure, c'est-à-dire de grands balcons au soleil, je ne m'étends pas plus que vous en verrez, on ira sur quelques-uns tout à l'heure, eh bien, on allait mieux. Voilà, la cure de grand air, ça fait aller mieux. D'accord ? Et donc, on crée d'abord les Briançonnais qui sont des gens quand même qui ont un rapport au commerce important dans l'histoire, parce qu'ils ont fait beaucoup de foires, et ils savent bien quand même ce que c'est que d'essayer de se trouver des activités économiques. Et donc, ils voient là une activité nouvelle qui va être importante. Donc dans un premier temps, il va y avoir des hôtels de cure, c'est-à-dire des gens qui organisent des fermes ou des constructions un peu améliorées. Et puis, il va y avoir des sanatoriums privés. Les premiers sanatoriums se développant en Silésie, en Pologne, en Finlande, en Suède, en Norvège, en Autriche, en Suisse, en Italie du Nord et en France en dernier. Et donc, on va ouvrir à Briançon trois centres. En 1931, 32 et 33, donc c'est facile à retenir. 1931, on ouvre le Grand Hôtel des Neiges, qui est réservé aux militaires, marins, qui ont de la tuberculose. En 1932, on ouvre Chantoiseau, qui est réservé pour les dames ou les demoiselles, car une demoiselle d'une famille bourgeoise, Seltzer, est morte d'une tuberculose. Et en souvenir, ses sœurs ont fait le vœu d'ouvrir un sanatorium pour jeunes filles à Briançon, et pour infirmières aussi, qui se recycle, 1932. Et 1933, le bois de l'ours pour le personnel des industries ferroviaires et électriques. D'accord ? Voilà. Mais tout ça, ce sont des initiatives soit familiales privées, soit de fondations ou d'entreprises encore privées. Mais pour le moment, l'État n'a mis son grain de sel que pour, je dirais, la loi sanitaire. Parce qu'on doit appliquer des protocoles. Vous imaginez bien, on ne soigne pas la tuberculose comme ça, en mettant un pansement, hein, seulement. Voilà. Donc l'État s'occupe des protocoles, mais n'a pas quand même complètement la main, puisque ce sont des établissements ou privés ou semi-privés. D'accord ? Et il est nécessaire, le temps passant et l'après-guerre venant en 1945-46, de se préoccuper d'ouvrir un établissement public. Et il faut choisir un site à la montagne, particulièrement bienfaisant. Et on choisit le site de Briançon. Et l'État va acquérir des terrains, j'irai dans le détail tout à l'heure, donc je dis juste ça, va faire faire des études et va surtout collecter les fonds nécessaires pour que ce soit réalisé. Et comme on est à cheval, bien qu'on soit en Provence, Alpes, Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes n'est pas loin, hein, il suffit de passer la Grave et vous êtes en Isère, ou passer le Galibier et vous êtes en Maurienne, en Savoie. On a légué l'organisation sanitaire régionalisée de ce futur établissement aux caisses de sécurité sociale de Marseille, PACA, et de Lyon, Rhône-Alpes. D'accord ? À Lyon, il coule le Rhône et la Saône. Et en Provence-Alpes, Côte d'Azur, il y a un ciel le plus souvent tout bleu, c'est l'Azur. Il n'en faut pas plus. Alors là, pour mon article, le stylo, hein. Il n'en faut pas plus pour dédier cet établissement et le baptiser Rhône Azur. J'espère qu'il va voir la dame. Alors là, on va prendre un peu l'ombre. C'est plus agréable. Ça va faire du bien, tiens. Et donc, évidemment, de prime abord, si on ne fait pas attention, on se dit c'est un immeuble. Mais si on y fait attention, c'est beaucoup plus qu'un immeuble. Oui. Puisque comme il a été fait à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a voulu montrer que c'était l'époque de la reconstruction et que, si je puis dire, l'État y mettait les moyens. Okay. Voilà, et donc on a fait appel aux grands architectes de l'époque. Exemple, une bonne connaissance de Le Corbusier, qui a été Auguste Perret. Alors il va y avoir quelques marches, ça va, mais pas difficile. Hein. Ouais, une marche, deux mètres, une marche, deux mètres. Etc. Ça vous va ? Oui. Bon, non. Ça va, tant mieux. C'est là qui tombe, il se ramène. C'est Robert qui ramasse. Vas-y, on monte. Alors, on va faire un petit arrêt là, vous allez comprendre pourquoi. Chacun sur sa marche d'escalier, peu importe. On va se serrer un peu. Viens par là. J'ai quelque chose à vous faire toucher. Alors, madame, par exemple. Alors, l'établissement, comment il est fait ? On va s'en rendre compte un petit peu plus après. Il est fait avec des montants de portes ou de coins en béton, parce que c'est la reconstruction d'après-guerre. D'accord ? Mais pour garnir ce béton, c'est là que c'est intéressant, il y a des petites pierres. Voilà, il y a des petites pierres. Là. Alors là, vous avez un montant en béton. D'accord ? Là, c'est le montant en béton. Et là, il y a des petites pierres qui sont soit à l'horizontale, soit à la verticale, ici c'est horizontal, et ces petites pierres, ce sont des pierres de cipolin. Voilà. Allez, on continue. Après, il y a l'apéro. Non, l'apéro, pas tout de suite. Ah, l'apéro, l'apéro. Oui. Pour faire comprendre la hauteur des bâtiments, tu peux montrer avec le doigt. Prendre la main des gens. Prendre la main des gens, on le fera aussi nous derrière. Comme ça, on se rend compte. C'est presque fini, Claude. Il y a un petit peu d'ombre là-bas. On va aller à l'ombre. Là, ça tombe bien, il y a un nuage qui arrive. C'est pas trop mal, il n'est pas trop gros. Après, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Hein. Parce que si c'est un cumulonimbus, c'est autre chose. Mais là, je crois qu'on a un peu de temps encore. Ce qu'ils n'auraient pas dû désaffecter, c'est la buvette ici. On a commencé à peu près, hein. Pas tout à fait, mais on a commencé à peu près devant l'établissement, quand je vous ai parlé au niveau des statues. Hein. Et maintenant, on se retrouve en arrière de l'établissement, mais pas complètement. Et l'arrière de l'établissement, c'est la partie qui donne au nord. Comme on veut soigner la tuberculose, l'important, c'est d'être au sud. Donc, les chambres et les galeries de cure, pour exposer les patients au soleil et au climat sec, sont au sud, on ira tout à l'heure. Et là, la partie nord, elle, elle est réservée aux bureaux, aux offices, aux infirmeries et à la lingerie et à la chaufferie. Cette lingerie, elle est faite à base de croisillons de béton qu'on appelle des mouchards à biais. Alors, au-dessus de nous, le bois de l'ours, dans cette forêt dans laquelle il y a des monolithes de pierre qui semblent un peu des ours relevés, d'où le nom le bois de l'ours. Ah oui. Oh là là, c'est la douche, c'est parfait. C'est la porte d'entrée, donc on entre. Et on entre, on entre. Non, on a vraiment. T'as tout calculé, Michel. Bravo, Michel. Il contrôle même les nuages, quoi. C'est chouette. Mais moi, quand je suis venu, il y avait un arbre, mais je pensais ici que je suis venu. Donc là, on rentre à l'intérieur de Renazio. Jacqueline est assise. Tout va bien. Vous avez vu, ça s'est vite dégradé. Hein. À peine le temps de rentrer, la pluie tombe. Bon, mais là, on va être bien parce qu'il fait frais, juste la bonne température. Puisque, n'oublions pas que dans cet établissement, on soignait autant les tuberculeux adultes hommes que les tuberculeux enfants garçons. Ce n'était que l'établissement garçons dans un premier temps. Dans un premier temps. Et dans les années 1970, c'est devenu mixte. Alors, on va faire notre petit cortège maintenant. Parce qu'il faut que personne ne se perde. Hein. Parce que c'est suffisamment grand pour se perdre. Hein. Alors, l'intérêt, c'est que vous devez entendre. Parce que je sais que vous êtes très sensible à l'écoute, hein, notamment. Là, on va passer de pièces plus amples. Et vous allez entendre un autre écho. On va véritablement. Voilà. Et on va, vous allez bien ressentir, hein, on va passer un couloir obscur où la température va un peu baisser. Et après, on va arriver dans un couloir beaucoup plus clair où la température va monter. C'est la galerie. Ça, c'est intéressant de ressentir un petit peu tout ça. Alors, on va faire un joli cortège. Voilà. Attention à la marche en descente. Maintenant, c'est bien. Madame, maintenant. Alors ici, c'est plutôt intéressant parce que c'est la salle des machines, de la salle de spectacle. Pourquoi y a-t-il deux projecteurs? Parce que, à l'époque, ça a ouvert en 1957 hein, quand même, hein. En 1957, pour avoir un film complet, il faut le passer sur deux projecteurs parce qu'il y a une coupure. Deux bobines. Enfin, ces appareils sont extrêmement massifs. C'est-à-dire que Marilyn, ils sont plus hauts que vous. Hein. Quel est votre prénom? Sylvie. On va toucher ici l'appareil. D'accord? Alors ça, c'est là. On va rajouter votre bâton. Ici. Voilà. Donc, alors, c'est des appareils, la marque, c'est rigolo, hein, c'est Simplex. Voilà, ben là, ça va. Ça va? Oui. Ah, c'est déjà plus propre ici. Montons le tour. On monte un escalier. Patricia, on monte un escalier. Il y en a qui arrivent à rentrer, parce que c'est pas dit. Il y a des marches. Ouh, il fait frais là. Ouais. Heureusement qu'ils font attention parce que sinon ce serait dégradé, cassé. Ouais. Heureusement que c'est surveillé. Là. Mais c'est la cantine. C'était la cantine. Voilà. Pas mal. Hein. Dans la salle de restaurant, ça fait exprès, ça tourne un petit peu. C'est arrondi et donc ça permet d'être panoramique hein, avec ces grandes baies vitrées pour l'époque. Mais ce qu'on va faire. On va gravir un étage pour que vous ressentiez mieux les choses. On va gravir encore un étage là. Et là, on va être sur la galerie de cure. Alors maintenant, on va aller au bloc opératoire. Alors ici, il y avait trois blocs opératoires. Trois. Ici, on l'appelle le bloc blanc. Et à côté, on va aller au bloc bleu. Quand on opère quelqu'un, il est impératif qu'il n'y ait pas d'angle mort. Et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Il ne faut pas d'ombre. Donc, on étudie un sialytique. Pierre, oui, je suis là. Vous n'allez pas me contredire. Hein. Non, allez-y. On étudie un sialytique pour que, évidemment, la lumière soit la plus focalisée possible. Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, des professeurs émérites hein, de Marseille, de Lyon, de Grenoble, de Paris, venez opérer à Briançon. Tu passes du chaud au froid. Ouais. Alors, le paysage, quel est-il ? Hein ? Donc, la vallée de la Guisane. Là, ici, on est dans la vallée de Serre-Chevalier, d'accord ? Donc, à notre droite, le Prorel avec sa belle forêt de Mélèze. À notre gauche, la Croix de Toulouse avec sa belle forêt de Pins. Ah, ouais. Et là, devant vous, la vallée de la Guisane s'ouvre un peu comme un éventail. Ouais. Et vous avez toute la conque de Briançon avec la ville basse de Sainte-Catherine et la gare, qu'on imagine au milieu. Et puis vous avez le fort des Têtes, le fort du Rondouillet, avec l'Infernet. Au milieu, vous avez la Grande Maille, entre les deux, la vallée de Serpierre, et de l'autre côté, celle des Ailles. Et puis vous avez la grande montagne boisée, tout au fond du Mélézin, qui ressemble à celle du Prorel, avec une très belle forêt de Mélèze. Et là, à Guisane, donc, il se ferait son chemin jusqu'à aller rencontrer la Durance un petit peu plus bas. Mais là, on sent bien, hein, on sent bien l'ouverture. Ouais. Quand vous respirez, etc., on sent que la vallée s'élargit. Et qu'elle est bien aérée. Et on voit que la position de Rhône Azur, la situation est exceptionnelle. Alors, Karine, oui. Karine ou madame, enfin qui vous voulez, hein, vous m'aidez à faire un peu le service, on va offrir à boire. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a sirop de Mirabelle ou sirop de fraise. J'aimerais, jusqu'à présent, donc on a fait quand même une visite avec pas mal d'éléments. J'aimerais que, de la façon qui vous semble le plus simple, bien sûr, j'aimerais que vous me dessiniez, et oui, vous me dessiniez un élément qui vous a plu, que vous avez ressenti pendant la visite, à votre choix. Voilà, dessinez un élément à votre choix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, pour vous, ce qui m'importe, c'est que, à défaut de pouvoir voir Rhône Azur, que vous le ressentiez. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est que vous le ressentiez. Et donc, j'aimerais que vous me mettiez sur le papier, de la façon qui vous vient, quelque chose que vous ressentez, comme vous le pouvez. Dessiner ou écrire ? Dessiner. Mais si vous avez envie d'écrire, vous écrivez. Hein. Il y a combien de temps que vous n'avez pas dessiné, les gars ? Enfin, justement, bien longtemps, ça fait un moment que vous n'avez pas dessiné. Ben, voilà. Alors moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait le projet de sonnette, j'ai fait la galerie de marche, et j'ai fait un bateau parce que c'est un paquebot. Voilà, c'est des belles productions. Ça va, Sylvie ? Karine, il y en a qui sont perdus. Alors, vas-y, un petit bruit ici. Est-ce qu'il y a tout le monde d'abord ? Alors, ici, on est dans ces cuisines. D'accord ? Alors, on va rester coupé, là, hein, pour ne pas se perdre. Ici, c'est la salle de spectacle. Est-ce que vous entendez l'écho, hein ? Ici, vous allez arriver votre pied, vous allez sentir, allez-y. Voilà. Votre bâton. Vous allez sentir un rail. Ici, parce que là, ce rail servait à caler. Voilà, il servait à caler les patients sur les lits. À Noël, il y avait des spectacles pour les patients. Il y avait même une infirmière major, Madame Viazac. Elle avait une Fiat 500 qui passait les portes du rez-de-chaussée en bas. Et elle arrivait avec Papa Noël dans la Fiat 500 décapotable. Ça faisait un certain effet quand même. La néothérapie, une piscine. Petite piscine pour la marche. Petite piscine pour s'entraîner à la marche. et une autre, évidemment, pour nager. Et quand même, ce qu'il faut garder de Renazur, c'est la vie. Hein. Malheureusement, des gens sont partis. Partis dans le sens, ils ont rendu leur dernier souffle. Mais quand même, la plupart, hein, de, certainement de ces 52 000 et au-delà, patients qui sont passés ici, puisqu'on a dit 30 000 assurément, si on fait le ratio par rapport à 5 000 par an, mais certainement plus avec la rééducation après. Et donc, tous ces gens-là, pour l'essentiel, sont sortis quand même vivants et en meilleure forme. Alors, c'est en parlant de la vie, hein, et de cette existence qu'on essaye de se rendre la meilleure possible, et de vous aider à vous sentir accueillis, de vous sentir entouré, de vous sentir avec une visite guidée qui a été faite pour vous. Je suis venu ici et j'espère que vous en avez retiré du bon, que vous êtes content de votre sortie et que peut-être dans l'avenir on pourra en faire d'autres. Et moi j'ai un pincement au cœur particulier pour conclure cette visite parce qu'évidemment comme c'est la dernière que je fais, que j'ai commencé certainement la première où Anne-Marie est venue, c'était le 24 octobre 2023. Aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2025. Et donc, j'ai été ravi de faire cette visite sur mesure pour vous. Et si vous me permettez, je vais la dédier à ma maman, qui a fait un séjour ici de 3 mois entre fin 1998 et début 1999, et à mon grand-père maternel, Marius, que tout le monde appelait Auguste, Farah, qui est le nom de ma maman, et donc qui est venu ici par 2 fois, une fois vraisemblablement au moins 6 mois, en 1959-1960, et une autre fois en 1952. Il est même venu de suite après le mariage de mes parents, qui s'était fait au mois de juin. Et comme ça me faisait un pincement au cœur, je vais vous faire une petite confidence très rapide, parce qu'après je sais que vous devez sortir. Comme cette visite de relation m'a fait un pincement au cœur, que de la préparer, ça a été pour moi quelque chose d'humain et de personnel également, puisque de le faire partager au public, eh bien, je vous fais une petite confidence. Je m'appelle Michel Chivalier, et j'ai décidé, à ma nouvelle carte d'identité, d'adjoindre à Chivalier le nom de mon grand-père maternel, et je m'appelle Chivalier Trébunion Barra. Voilà, c'est ma petite satisfaction.